Retirons nos regards de cet objet funeste pour admirer ici le jugement céleste. Quand la gloire nous enfle, il sait bien comme il faut confondre notre orgueil qui s'élève trop. Nos plaisirs les plus doux ne vont point sans tristesse. Ils mêlent à nos vertus des marques de faiblesse et rarement accordent à notre ambition l'entier et pur honneur d'une bonne action. Je ne plains point Camille. Elle était criminelle. Je me tiens plus à plaindre, et je te plains plus qu'elle. Moi, d'avoir mis au jour un cœur si peu romain, toi, d'avoir par sa mort déshonoré ta main. Je ne la trouve point injuste, ni trop prompte, mais tu pouvais, mon fils, t'en épargner la honte. Son crime, quoiqu'énorme et digne du trépas, était mieux impuni que puni par ton bras. Disposez de mon sang. Les lois vous en font maître. J'ai cru devoir le sien au lieu qui m'ont vu naître. Si dans vos sentiments mon zèle est criminel, s'il m'en faut recevoir un reproche éternel, si ma main en devient honteuse et profanée, vous pouvez d'un seul mot trancher ma destinée. Reprenez tout ce sang de qui ma lâcheté a si brutalement souillé la pureté. Ma main n'a pu souffrir de crime en votre race. Ne souffrez point de tâche en la maison d'Horace. C'est en ses actions dont l'honneur est blessé qu'un père tel que vous se montre intéressé. Son amour doit se taire où toute excuse est nulle. Lui-même il y prend part lorsqu'il les dissimule. Et de sa propre gloire il fait trop peu de cas quand il ne punit point ce qu'il n'approuve pas. Il n'use pas toujours d'une rigueur extrême. Il épargne ses fils bien souvent pour soi-même. Sa vieillesse, sur eux, aime à se soutenir et ne les punit point de peur de se punir. Je te vois d'un autre œil que tu ne te regardes. Je sais. Mais le roi vient. Je vois entrer ses gardes. Oh, sire, un tel honneur a trop d'excès pour moi. Ce n'est point en ce lieu que je dois voir mon roi. Permettez qu'à genoux... Non, levez-vous, mon père. Je fais ce qu'en ma place un bon prince doit faire. Un si rare service et si fort important veut l'honneur le plus rare et le plus éclatant. Vous en aviez déjà sa parole pour gage. Je ne l'ai pas voulu différer davantage. J'ai su par son rapport, et je n'en doutais pas, comme de vos deux fils vous portez le trépas, et que déjà, votre âme étant trop résolue, ma consolation vous serait superflue. Mais je viens de savoir quel étrange malheur d'un fils victorieux a suivi la valeur, et que son trop d'amour pour la cause publique, par ses mains à son père, ôte une fille unique. Ce coup est un peu rude à l'esprit le plus fort, et je doute comment vous portez cette mort. Sire, avec déplaisir, mais avec patience. C'est l'effet vertueux de votre expérience. Beaucoup par un long âge ont appris comme vous que le malheur succède au bonheur le plus doux. Peu savent comme vous s'appliquer ce remède, et dans leur intérêt toute leur vertu cède. Si vous pouvez trouver dans ma compassion quelque soulagement pour votre affliction, ainsi que votre mal, sachez qu'elle est extrême, et que je vous en plains autant que je vous aime. Sire, puisque le ciel entre les mains des rois dépose sa justice et la force des lois, et que l'État demande aux princes légitimes des prix pour les vertus, des peines pour les crimes, souffrez qu'un bon sujet vous fasse souvenir que vous plaignez beaucoup ce qu'il vous faut punir. Souffrez! Quoi? Qu'on envoie un vainqueur au supplice? Permettez qu'il achève et je ferai justice. J'aime à la rendre à tous, à toute heure, en tout lieu. C'est par elle qu'un roi se fait un demi-dieu. Et c'est donc je vous plains qu'après un tel service, on puisse contre lui me demander justice. Souffrez donc, ô grand roi, le plus juste des rois, que tous les gens de bien vous parlent par ma voix. Non que nos cœurs jaloux de ces honneurs s'irritent. Si l'on reçoit beaucoup, ces hauts faits le méritent. Ajoutez-y plutôt que d'en diminuer. Nous sommes tous encore prêts d'y contribuer. Mais, puisque d'un tel crime il s'est montré capable, qu'il triomphe en vainqueur et périsse en coupable. Arrêtez sa fureur et sauvez de ses mains si vous voulez régner le reste des Romains. Il y va de la perte ou du salut du reste. la guerre avait un cours si sanglant, si funeste. Et les nœuds de l'hymen, durant nos bons destins, ont tant de fois uni des peuples si voisins qu'il est peu de Romains que le parti contraire n'intéresse en la mort d'un gendre ou d'un beau-frère, et qui ne soient forcés de donner quelques pleurs dans le bonheur public à leur propre malheur. Si c'est offenser Rome, et que l'heure de ses armes l'autorise à punir ce crime de nos larmes, quel sang épargnera ce barbare vainqueur qui ne pardonne pas à celui de sa sœur et ne peut excuser cette douleur pressante que la mort d'un amant jette au cœur d'une amante quand, près d'être éclairée du nuptial flambeau, elle voit avec lui son espoir au tombeau. Faisant triompher Rome, il se l'est asservi. Il assure nous un droit et de mort et de vie. Et nos jours criminels ne pourront plus durer qu'autant qu'à sa clémence il plaira l'endurer. Je pourrais ajouter aux intérêts de Rome combien un pareil coup est indigne d'un homme. Je pourrais demander qu'on mit devant vos yeux ce grand et rare exploit d'un bras victorieux. Vous verriez un beau sang pour accuser sa rage d'un frère si cruel rejaillir au visage. Vous verriez des horreurs qu'on ne peut concevoir. Son âge et sa beauté vous pourraient émouvoir. Mais je hais ces moyens qui sentent l'artifice. Vous avez à demain remis le sacrifice. Pensez-vous que les dieux vengeurs des innocents d'une main parricide acceptent de l'encens? Sur vous, ce sacrilège attirerait sa peine. Ne le considérez qu'en objet de leur haine. Et croyez avec nous qu'en tous ces trois combats, le bon destin de Rome a plus fait que son bras, puisque ces mêmes dieux, auteurs de sa victoire, ont permis qu'aussitôt il en souilla la gloire. Et qu'un si grand courage, après ce noble effort, fut digne en même jour de triomphe et de mort. Sire, c'est ce qu'il faut que votre arrêt décide. En ce lieu, Rome a vu le premier parricide. La suite en est à craindre, et la haine des cieux. Sauvez-nous de sa main, et redoutez les dieux. Défendez-vous, Horace. À quoi bon me défendre? Vous savez l'action, vous la venez d'entendre. Ce que vous en croyez me doit être une loi. Sire, on se défend mal contre la vie d'un roi. Et le plus innocent devient soudain coupable quand aux yeux de son prince il paraît condamnable. C'est crime qu'envers lui se vouloir excuser. Notre sang et son bien, il en peut disposer, et c'est à nous de croire, alors qu'il en dispose, qu'il ne s'en prive point, sans une juste cause. Sire, prononcez donc, je suis prêt d'obéir. D'autres aiment la vie, et je la dois haïr. Je ne reproche point à l'ardeur de Valère, qu'en amant de la sœur, il accuse le frère. Mes vœux, avec les siens, conspirent aujourd'hui. Il demande ma mort, je la veux comme lui. Un seul point entre nous met cette différence, que mon honneur par là cherche son assurance, et qu'à ce même but nous voulons arriver, lui pour flétrir ma gloire, et moi pour la sauver. Sire, c'est rarement qu'il s'offre une matière à montrer d'un grand cœur la vertu tout entière. Suivant l'occasion, elle agit plus ou moins, et paraît forte ou faible aux yeux de ses témoins. Le peuple, qui voit tout seulement par l'écorce, s'attache à son effet pour juger de sa force. Il veut que ses dehors gardent un même cours, qu'ayant fait un miracle, elle en fasse toujours. Après une action pleine, haute, éclatante, tout ce qui brille moins remplit mal son attente. Il veut qu'on soit égal en tout temps, en tout lieu. Il n'examine point si l'or en pouvait mieux. Ni que, s'il ne voit pas sans cesse une merveille, l'occasion est moindre, et la vertu pareille. Son injustice accable et détruit les grands noms. L'honneur des premiers faits se perd par les seconds, et quand la renommée a passé l'ordinaire, si l'on en veut déchoir, il faut ne plus rien faire. Je ne vanterai point les exploits de mon bras. Votre Majesté, sire, a vu mes trois combats. Il est bien malaisé qu'un pareil les seconde. Qu'une autre occasion à celle-ci réponde. Et que tout mon courage après de si grands coups parvienne à des succès qui n'aillent au-dessous. Si bien que pour laisser une illustre mémoire, la mort seule aujourd'hui peut conserver ma gloire. Encore la fallait-il sitôt que j'eus vaincu, puisque pour mon honneur j'ai déjà trop vécu. Un homme tel que moi voit sa gloire ternie quand il tombe en péril de quelque ignominie. Et ma main aurait su déjà m'en garantir. Mais sans votre congé, mon sang n'ose sortir. Comme il vous appartient, votre aveu doit se prendre. C'est vous le dérober qu'autrement le répandre. Rome ne manque point de généreux guerriers. Assez d'autres sans moi soutiendront vos lauriers que votre majesté désormais m'en dispense. Et si ce que j'ai fait vaut quelque récompense, permettez au grand roi que de ce bras vainqueur je m'immole à ma gloire et non pas à ma seule. Sire, écoutez Sabine et voyez dans son âme les douleurs d'une sœur et celles d'une femme qui, toute désolée, à vos sacrés genoux, pleure pour sa famille et craint pour son époux. Ce n'est pas que je veuille avec cet artifice dérober un coupable au bras de la justice. Quoi qu'il ait fait pour vous, traitez-le comme tel et punissez en moi, ce noble criminel. De mon sang malheureux expiez tout son crime. Vous ne changerez point pour cela de victime. Ce n'en sera point prendre une injuste pitié, mais en sacrifier la plus chère moitié. Les nœuds de l'Hyménée et son amour extrême font qu'il vit plus en moi qu'il ne vit en lui-même. Et si vous m'accordez de mourir aujourd'hui, il mourra plus en moi qu'il ne mourrait en lui. La mort que je demande et qu'il faut que j'obtienne augmentera sa peine et finira la mienne. Sire, voyez l'excès de mes tristes ennuis et l'effroyable état où mes jours sont réduits. Quelle horreur d'embrasser un homme dont l'épée de toute ma famille a la trame coupée. Et quelle impiété de haïr un époux pour avoir bien servi les siens, l'état et vous. Aimer un bras souillé du sang de tous mes frères. N'aimez pas un mari qui finit nos misères. Sire, délivrez-moi par un heureux trépas des crimes de l'aimer et de ne l'aimer pas. J'en nommerai l'arrêt une faveur bien grande. Ma main peut me donner ce que je vous demande, mais ce trépas enfin me sera bien plus doux si je puis de sa honte affranchir mon époux. Si je puis, par mon sang, apaiser la colère des dieux qu'a pu fâcher sa vertu trop sévère, satisfaire en mourant aux mânes de sa sœur et conserver à Rome un si bon défenseur. Sire, c'est donc à moi de répondre à Valère. Mes enfants avec lui conspirent contre un père, tous trois veulent me perdre et s'arment sans raison contre si peu de sang qui reste en ma maison. Toi qui, par des douleurs à ton devoir contraire, veux quitter un mari pour rejoindre tes frères, va plutôt consulter leurs mânes généreux. Ils sont morts, mais pour Albe, et s'en tiennent heureux. Puisque le ciel voulait qu'elle fût asservie, si quelque sentiment demeure après la vie, ce mal leur semble moindre et moins rude ses coups, voyant que tout l'honneur en retombe sur nous. Tous trois désavoueront la douleur qui te touche, les larmes de tes yeux, les soupirs de ta bouche, l'horreur que tu fais voir d'un mari vertueux. Sabine, sois leur sœur, suis ton devoir comme eux. Entre ce cher époux Valère en vain s'anime, un premier mouvement ne fut jamais un crime, et la louange est due au lieu du châtiment quand la vertu produit ce premier mouvement. Aimer nos ennemis avec idolâtrie, de rage en leur trépas maudire la patrie, souhaiter à l'État un malheur infini, c'est ce qu'on nomme crime, et ce qui l'a puni. Le seul amour de Rome a sa main animée, il serait innocent s'il l'avait moins aimé, qu'est je dis, sire, il l'est. Et ce bras paternel l'aurait déjà puni s'il était criminel. J'aurais su mieux user de l'entière puissance que me donnent sur lui les droits de la naissance. J'aime trop l'honneur, sire, et ne suis point de rang à souffrir ni d'affront ni de crime en mon sang. C'est donc je ne veux point de témoin que Valère. Il a vu quel accueil lui gardait ma colère lorsqu'ignorant encore la moitié du combat, je croyais que sa fuite avait trahi l'État. Qui le fait se charger des soins de ma famille? Qui le fait, malgré moi, vouloir venger ma fille? Et par quelle raison, dans son juste trépas, prend-il un intérêt qu'un père ne prend pas? On craint qu'après sa sœur, il n'en maltraite d'autres. Sire, nous n'avons part qu'à la honte des nôtres. Et de quelque façon qu'un autre puisse agir, qui ne nous touche point, ne nous fait point rougir. Tu peux pleurer, Valère, et même aux yeux d'Horace. Il ne prend intérêt qu'au crime de sa race. Qui n'est point de son sang ne peut faire d'affront aux lauriers immortels qui lui saignent le front. Laurier, sacré rameau qu'on veut réduire en poudre, vous qui mettez sa tête à couvert de la foudre, l'abandonnerez-vous à l'infâme couteau qui fait choir les méchants sous la main d'un bourreau? Romain, souffrirez-vous qu'on vous immole un homme sans qui Rome aujourd'hui cesserait d'être Rome? Et qu'un Romain s'efforce à tâcher le renom d'un guerrier à qui tous doivent un si beau nom. Dis, Valère, dis-nous si tu veux qu'il périsse, où tu penses choisir un lieu pour son supplice. Sera-ce entre ces murs que mille et mille voix font résonner encore du bruit de ses exploits? Sera-ce hors des murs, au milieu de ces places qu'on voit fumer encore du sang des Curias, entre leurs trois tombeaux et dans ce champ d'honneur témoin de sa vaillance et de notre bonheur? Tu ne saurais cacher sa peine à sa victoire. Dans les murs, hors des murs, tout parle de sa gloire. Tout s'oppose à l'effort de ton injuste amour qui veut d'un si bon sang souiller un si beau jour. Albe ne pourra pas souffrir un tel spectacle. Et Rome, par ses pleurs, y mettra trop d'obstacles. Vous les préviendrez, sire, et par un juste arrêt, vous saurez embrasser bien mieux son intérêt. Ce qu'il a fait pour elle, il peut encore le faire. Il peut la garantir encore d'un sort contraire. Sire, ne donnez rien à mes débiles ans. Rome, aujourd'hui, m'a vu père de 4 enfants. 3 en ce même jour sont morts pour sa querelle. Il m'en reste encore un. Conservez-le pour elle. N'ôtez pas à ces murs un si puissant appui. Et souffrez pour finir que je m'adresse à lui. Horace, ne crois pas que le peuple stupide soit le maître absolu d'un renom bien solide. Sa voix tumultueuse assez souvent fait bruit, mais un moment l'élève, un moment le détruit. Et ce qu'il contribue à notre renommée, toujours en moins de rien, se dissipe en fumée. C'est au roi, c'est au grand, c'est aux esprits bien faits, avoir la vertu pleine en ses moindres effets. C'est d'eux seuls qu'on reçoit la véritable gloire. Eux seuls, des vrais héros, assurent la mémoire. Vis toujours en Horace, et toujours auprès d'eux ton nom demeurera grand, illustre, fameux. Bien que l'occasion, moins haute ou moins brillante, d'un vulgaire ignorant trompe l'injuste attente. Ne hais donc plus la vie, et du moins vis pour moi. Et pour servir encore ton pays et ton roi. Sire, j'en ai trop dit, mais l'affaire vous touche, et Rome tout entière a parlé par ma bouche. Sire, permettez-moi... Valère, c'est assez. Vos discours par les leurs ne sont pas effacés. J'en garde dans mon esprit les forces plus pressantes, et toutes vos raisons me sont encore présentes. Cette énorme action, faite presque à nos yeux, outrage la nature et blesse jusqu'aux dieux. Un premier mouvement qui produit un tel crime ne saurait lui servir d'excuse légitime. Les moins sévères lois en ce point sont d'accord, et si nous les suivons, il est digne de mort. Si, d'ailleurs, nous voulons regarder le coupable, ce crime, quoique grand, énorme, inexcusable, vient de la même épée et part du même bras qui me fait aujourd'hui maître de 2 États. 2 sceptres en ma main, Albe à Rome asservi, parle bien hautement en faveur de sa vie. Sans lui, j'obéirai où je donne la loi, et je serai sujet où je suis 2 fois roi. Assez de bons sujets dans toutes les provinces, par des vœux impuissants, s'acquittent vers leur prince. Tous les peuvent aimer, mais tous ne peuvent pas, par d'illustres effets, assurer leurs états. Et l'art et le pouvoir d'affermir des couronnes sont des dons que le ciel fait à peu de personnes. De pareils serviteurs sont les forces des rois, et de pareils aussi sont au-dessus des lois. Qu'elles se taisent donc! que Rome dissimule ce que dès sa naissance elle vit en Romule. Elle peut bien souffrir en son libérateur ce qu'elle a bien souffert en son premier auteur. Vis donc, Horace, vis, guerrier trop magnanime. Ta vertu met ta gloire au-dessus de ton crime. Sa chaleur généreuse a produit ton forfait. D'une cause si belle, il faut souffrir l'effet. Vis pour servir l'État. Vis, mais aime Valère. Qu'il ne reste entre vous ni haine ni colère. Et soit qu'il ait suivi l'amour ou le devoir, sans aucun sentiment, résous-toi de le voir. Sabine, écoutez-moi la douleur qui vous presse. Chassez de ce grand cœur ces marques de faiblesse. C'est en séchant vos pleurs que vous vous montrerez la véritable sœur de ceux que vous pleurez. Mais nous devons aux dieux demain un sacrifice. Et nous aurions le ciel à nos vœux mal propices si nos prêtres, avant que de sacrifier, ne trouvaient les moyens de le purifier. Son père en prendra soin. Il lui sera facile d'apaiser tout d'un temps les mânes de Camille. Je la plains. Et pour rendre à son sort rigoureux ce que peut souhaiter son esprit amoureux, puisqu'en un même jour l'ardeur d'un même zèle achève le destin de son amant et d'elle, je veux qu'un même jour, témoin de leurs deux morts, en un même tombeau voie enfermer leur corps. Camille, ainsi le ciel t'avait bien averti des tragiques succès qu'il t'avait préparés. Mais toujours du secret, il cache une partie aux esprits les plus nets et les plus éclairés. Il semblait nous parler de ton proche Hyménée, il semblait tout promettre à tes vœux innocents, et nous cachant ainsi ta mort inopinée, sa voix n'est que trop vraie en trompant notre sens. Albe et Rome aujourd'hui prennent une autre face. Tes vœux sont exaucés, elles goûtent la paix, et tu vas être unie avec ton Curiace, sans qu'aucun mauvais sort t'en sépare jamais.